On va parler de curling. Hier, évidemment, on s'est entretenu plus avec Tim Tremblay pour sa performance. Ça fait exceptionnel au Grand Prix de Valcourt. Il mène au championnat américain. Mais là, il y a une autre équipe qui nous a fait bel honneur en fin de semaine. C'est l'équipe de Christopher Gagnon qui a remporté leur deuxième victoire consécutive lors de ce tournoi-là. On lui parle pour savoir un peu. On parle avec l'instructeur Daniel Gagnon. Salut, Daniel! Salut! Hey Daniel, c'est ta grand-mère en fin de semaine. Une autre belle victoire, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Je pense qu'on est dans notre pic là, de performance présentement. Puis c'est ça qu'on voulait, le plan de match avec l'autre entraîneur, Marc-André Ganard. C'était ça qu'on finisse la saison sur le pic là, de la performance. OK, OK. Donc, si on parlait maintenant de ce qui s'est passé en fin de semaine à grand-mère. Bon, ça a été des belles performances, je dirais que les petits gars ils ont très bien joué avec un pourcentage d'efficacité assez élevé dans toutes les parties. Non? Il y a peut-être en demi-finale contre une équipe de Victoriaville que ça s'est joué sur la dernière pierre, mais notre équipe a été chanceux dans toute la game. Mais malgré tout, on a été capable de la gagner puis de finir ça en finale. Qui a duré, au lieu de 8 bouts, ça a duré seulement 6 bouts, là, avec une victoire de 10-2. Là, ils ont arrêté la partie. OK. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi l'équipe progresse tant? Hein? Parce que, tu sais, au début de l'année, c'était plus difficile. Tu me disais, la chimie n'est pas facile. Qu'est-ce qui s'est passé pour gagner 2 victoires consécutives? Ben, c'est ça, la chimie. On avait un nouveau membre cette année parce qu'on avait deux qui sont pas revenus cette année avec nous. Fait que là, c'est un nouveau. C'est un jeune qui était ici à Delmo. Il a fallu travailler très fort pour l'amener à un niveau. Là. Nous, on y avait dit que c'était pas une marche à monter, t'en as deux. Puis Nicolas est en train de répondre très bien là, à ce qu'on y avait demandé depuis le début de l'année. C'est un lead, il est en train de performer. Fait que quand le lead performe, ben le reste de l'équipe normalement suit. Là. Le lead est aussi important que l'esquive au curling. OK, OK. Donc, si on parlait maintenant de ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines? Bien, on a un tournoi en fin de semaine ici okay. À Delbeau. C'est un tournoi à invitation au VCA. C'est okay. Un tournoi là qui se déroule une fois par année, mais c'est sur le circuit junior. C'est des gars de 19 à 21 ans. Nous, on s'est inscrits. C'était une question de pratique. On prend pas ça pour aller gagner ce tournoi-là. On prend ça comme une pratique. Puis c'est pour nos fans aussi. On est suivi beaucoup là, au niveau du club et au niveau de la parenté et plein de monde. Fait qu'on voulait être présent ici à Debeau. C'est la seule fois cette année qu'on ne peut pas être présent. Fait que les petits gars sont conscients de que ça va être assez difficile, mais on veut pas perdre le momentum qu'on a présentement avec ce tournoi-là. Là. Fait que on y va là pour nos fans, je pourrais dire. Ben, les fans, OK. Puis aussi, c'est une belle pratique, là. Oui, c'est une belle pratique. Oui, mais je pense pas qu'on se fasse déclasser. Il y a des bonnes équipes, mais je pense pas qu'on se fasse déclasser là, même que je pense qu'on peut même causer une surprise. Puis qu'est-ce qui s'en vient aussi? Ben du 8 au 12 mars, on s'en va dans le coin de Montréal au tournoi provincial, parce que là, la saison régulière est finie. On se prépare pour le provincial pour aller première fois au Canada, le championnat canadien. C'est là votre première fois là, cette année qu'il va y avoir le championnat canadien là, des U18. Là, j'ai bien hâte de voir si on veut bien gagner pour aller au Canadien. Ça, c'est un peu ce que Laura a fait, c'est un petit peu, ou c'est-tu un oui, peu? Oui, c'est en plein ça. OK, c'est la oui, même équivalent. Okay. Ah, c'est bon ça? Oui, Laura l'a fait au niveau junior. Nous, d'habitude, dans les années intérieures, ils appelaient ça le U18 international optimiste. Il y avait du monde un peu partout sur la planète, tandis que là, cette année, c'est vraiment un championnat canadien. C'est où, hein? La première fois que ça arrive. Ça va être à Moncton. OK. Donc, c'est encore du bon financement, là. Ça prend encore beaucoup de sous, comme qu'on dirait, là. Si on va là, ça va prendre de l'appui. Ben, j'en ai déjà. Je réserve quand même mes commanditaires. Cette année, on n'a pas eu besoin de nos commanditaires, là. Ils courent même après moi pour m'a donné de l'argent, mais j'attends si on va au championnat canadien, là. C'est sûr que... Parce que probablement que les athlètes vont être en avion, eux autres, qui vont monter. OK, OK. Puis ça, tu vas savoir quand, ça? Ben, nous, c'est ça. Là, on s'en va au provincial, là, du 8, comme je te disais, ouais, okay. Au 12, en coin de Montréal. Puis, on va voir ça. L'année passée, on a perdu ce tournoi-là en finale sur la dernière pierre. Cette année, on espère bien remporter la victoire, vu qu'on est vraiment dans le pire. Là. OK. Mais j'imagine que les équipes vous aideront avec une brique finale, hein? Ben, je te dirais que oui, mais cette année, tout le monde nous avait battus au début de la saison. Là, tout le monde nous battait. Mm. Puis nous autres, on n'a pas paniqué du tout avec ça. On est allé avec le plan de match que Marc-André okay. avait monté au début de l'année avec les jeunes. Fait que présentement, là, ils nous trouvent tannants. Là, on est envenu vraiment notre pic de l'année passée. Puis là, ils nous trouvent pas mal plus au sérieux. Là. Au début de l'année, ils nous prenaient pas trop au sérieux, mais là, ils nous prennent vraiment au sérieux. Okay. Ben, Daniel, félicitations encore une fois. C'est bien le fun d'avoir une autre équipe de Delbeau bien performée. On se reparle oui. et on suit ça de très, très près. Merci beaucoup. Hein. Daniel Gagnon, l'instructeur de l'équipe de Christopher Gagnon.